Jean-Michel Jarre, le 3 décembre, vous avez un rendez-vous avec le public belge au Sport Palais à Anvers. C'est la plus grande salle de concert ici, alors ce sera un grand spectacle. Oui, je suis très excité à l'idée de jouer au Sports Palace d'Anvers le 3 décembre parce que c'est une salle qui, pour moi, est une des plus belles salles d'Europe, probablement avec le Millennium Dome de Londres, dans laquelle j'ai eu la chance de jouer il y a quelques jours. Et ce sont des salles qui sont vraiment spectaculaires, au sens spectacle du terme, et qui ont une chaleur, qui ont une ambiance. Et c'est vrai que ce projet de tournée, quelque chose que j'avais depuis longtemps, de tournée mondiale, j'avais longtemps en tête, d'apporter la magie des concerts en extérieur dans des grands espaces intérieurs du type du Sports Palace, justement pour ne pas dépendre du vent, de la pluie, etc., pour que sur le plan que ma musique puisse être jouée sur scène de la meilleure manière et dans des conditions vraiment de direct, sans playback, sans promo, ce qui est le cas ou sans pré-mixage, etc., ce qui est le cas de beaucoup de concerts aujourd'hui, et aussi de plonger, de partager avec le public une immersion totale dans la scénographie, dans le visuel, dans la vidéo, dans la lumière, dans le laser, ce que le Sports Palace est tout à fait adapté à ce genre de projet. En 78, en fait, vous avez popularisé le concept du méga concert aux places de la Concorde. Hein. Oui, c'est vrai, c'était à l'époque expérimental. C'était le premier concert que je faisais en extérieur et qui existait d'ailleurs en extérieur de cette manière-là. Et il y a eu 1 million de personnes qui sont venues et j'ai mis 1 an à m'en remettre de ça. Parce que c'était totalement inhabituel, bien entendu, et surprenant pour tout le monde, et à commencer par moi. Et ça venait du fait que, justement, à l'époque, les salles n'étaient pas faites pour la musique. C'est-à-dire que c'était des salles dans lesquelles se passaient plein d'événements sportifs, politiques, de conventions, de choses comme ça, mais pas tellement de musique. Et j'avais envie d'aller dans des endroits vierges, par rapport à une musique qui était aussi vierge, nouvelle, avec les instruments. Et c'est pour ça que cette tournée. C'est seulement maintenant que je fais cette première tournée autour du monde, parce qu'il y a 8-10 ans encore, technologiquement, la plupart des salles dans le monde n'auraient pas été prêtes technologiquement pour accueillir un concert comme celui-là. C'est vrai que votre épouse, à ce moment-là, Charlotte Rampling, avait des problèmes d'entrer ce lieu parce qu'il y avait si beaucoup de gens. Oui, c'est vrai, c'est arrivé plusieurs fois, de toute façon, que ma famille arrivant au dernier moment avait un peu de mal à rentrer, mais bon, on a quand même trouvé le moyen pour que tout le monde puisse être réuni quand même avant le concert. Vous êtes pionnier du genre musique électronique synthétiseur. Pourquoi avez-vous choisi ce genre? Parce que c'était un risque, hein, de trouver un public pour ça. Ben vous savez, je crois que quand on commence à faire quelque chose, enfin en tout cas, je pense que ce n'est pas une bonne manière de l'aborder en se demandant si ce qu'on va faire va rencontrer un public. On le fait parce qu'on a envie de le faire. On n'a aucune idée de savoir si on va rencontrer le public ou pas. Et quand j'ai commencé, moi, effectivement, on était une poignée d'originaux ou d'excentriques à aborder la musique d'une manière complètement différente. Et moi, je dois tout à mon professeur qui s'appelle Pierre Schaeffer, qui était le chef du groupe de recherche musicale, qui m'a pour la première fois fait réaliser que la musique, ce n'était pas seulement le fait de jouer des notes, mais c'était de fabriquer du son. Et que cette manière-là, cette petite idée-là, qui avait l'air petite en apparence, a révolutionné la musique du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la musique avec du son. Et ça paraît normal, mais il y a encore 30 ou 40 ans, c'était quelque chose de complètement inhabituel. Et c'est ça qui m'a donné envie de, paradoxalement, alors que beaucoup de gens ont pu considérer que la musique électronique était quelque chose de froid ou de déshumanisé, pour moi c'était exactement l'inverse. C'était le fait de pouvoir être son propre luthier, de pouvoir approcher la musique comme on approche la cuisine, c'est-à-dire en mettant les mains dans le moteur, si je puis dire. Vous venez d'une famille des musiciens, donc alors vous étiez presque prédestiné à devenir un musicien. Je ne sais pas si ça joue comme ça, parce qu'il y a beaucoup de familles de musiciens, enfin de gens de famille dans lesquelles il y a un musicien et leurs enfants ne deviennent pas nécessairement musiciens. Je pense que ça a peut-être pu jouer au niveau des chromosomes. Malheureusement, mes parents ayant divorcé quand j'avais 5 ans, ça n'a pas eu d'influence directe puisque je n'ai pas du tout grandi près de mon père. Donc ça a eu peut-être une influence inconsciente. Vous avez rencontré le jazz avec votre mère. Ma mère a été une grande résistante et pendant la guerre, elle a rencontré une femme en prison qui est devenue une de ses meilleures amies après la guerre. Et cette femme a monté le plus grand club de jazz moderne de Paris qui s'appelle Chaki Pêche. et où elle recevait des gens comme John Coltrane, Don Cherry, Archie Chet Baker au début de leur carrière. Et moi, je venais avec ma mère qui allait rendre visite à sa copine. Et j'étais le petit gosse qui était là du voisinage. Et dans l'après-midi, je descendais dans la cave et je voyais ces gens répéter. Je ne savais pas du tout qui c'était. Et donc, ça a été mon premier lien avec le jazz et notamment avec Chet Baker qui, un jour pour mon anniversaire, m'a assis sur le piano et a joué pour moi pendant 10 minutes de la trompette. Et c'est un souvenir même physique, puisqu'à chaque fois que je pense à cette histoire, je ressens toujours le vent de la trompette sur mon corps d'enfant, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, je dirais, physiquement, organiquement, sur l'impact du son sur soi-même. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a influencé sur le plan musical, mais aussi sur le plan acoustique. À 8 ans, vous avez commencé à jouer le piano et après aussi la guitare électronique. Pourquoi avez-vous choisi le piano? Oh, parce qu'il y avait un piano à la maison que ma mère m'a emmené chez le professeur. J'ai commencé comme ça et c'était à cette époque-là pas une volonté complètement délibérée, mais quelque chose qui s'est fait un peu naturellement. Vous avez déjà dit, votre père Maurice Jarre, vous avez a quitté la France pour les États-Unis. Mais il est bien connu comme compositeur de la musique du film, comme celui du Docteur Zhivago. Est-ce qu'il était source d'inspiration pour vous ou après 5 ans, vous n'avez jamais eu de feedback de lui? Malheureusement, oui, c'est le deuxième cas, parce que j'ai jamais vraiment eu de feedback de lui, et ça n'a pas été nécessairement un modèle ou une source d'inspiration, puisque il habitait en Californie, et moi j'étais en France, et donc j'ai eu très très peu de relations avec lui, surtout qu'à cette époque-là, la musique de film n'avait pas l'importance médiatique qu'elle a aujourd'hui, et c'était très abstrait pour moi, donc j'étais même pas très au courant en tant qu'enfant de ses activités, de ce qu'il faisait exactement. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas eu de rôle ou de lien direct dans mon éducation et dans mes choix. En 68, vous avez déjà dit, vous avez rencontré Pierre Schaeffer, vous avez quitté le conservatoire. C'était un grand pas pour vous. Oui, bah c'était l'époque de la révolution des étudiants où on voulait tout mettre par terre et changer ce qui existait. Et du coup, c'est vrai qu'on ne pouvait pas être plus radical que de rentrer au groupe de recherche musicale et de rompre avec l'enseignement traditionnel de la musique, qui n'a pas à être mis en cause d'ailleurs d'autre part. Mais jusqu'à maintenant, la seule manière de faire de la musique, c'était d'apprendre le solfège. Et Schaeffer est arrivé et il a dit, bah, bien sûr, le solfège, c'est important, mais il y a une autre manière d'aborder la musique, c'est par le son. Et je pense que c'est quelque chose qui, encore une fois, a changé pas seulement la musique qu'on écoute, mais la manière dont on la fait, la manière dont on la conçoit et dont on la fabrique. Première pièce était Happiness is a Sad Song de vous. Vous avez aussi écrit pour Françoise Hardy et Gérard Lauromans. Oui, et puis Christophe et Juvet également. Et c'était d'une certaine manière entre le groupe de recherche musicale et Oxygène, des travaux pratiques dans des studios, des grands studios de disques. Et la pop musique et la variété, etc., m'ont donné accès à tous ces studios. J'ai pu travailler aussi les instruments et acquérir une expérience en studio. Et puis en même temps aussi travailler avec des gens de beaucoup de talent dont on vient de parler. Et de travailler sur la production. Qu'est-ce qu'un disque? Qu'est-ce que c'est que l'univers de d'essayer de définir ce qu'est un univers, l'univers de quelqu'un. C'était tout à fait passionnant et que j'ai produit, écrit de la musique ou écrit des textes à ce moment-là. Ce que j'ai beaucoup fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris pour la suite. Aux années 70, vous avez obtenu grand succès avec Oxygène et Equinox aussi. Comment était ce moment-là? Bah, c'est un moment, vous savez, quand vous avez un tel succès qui vous tombe sur la tête, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire parce qu'en même temps, vous ne le vivez pas en pleine conscience. C'est après coup que vous vous réalisez. Mais c'est presque abstrait tellement les choses sont brutales. Et dans mon cas, ça a été tout à fait cette situation-là. Et donc, je l'ai pas, j'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait. En 86, vous avez baptisé sixième rendez-vous, Last Rendez-vous, en 11 pièces. Pourquoi cet changement? En fait, j'ai écrit tout l'album Rendez-vous avant le concert de Houston, qui était lié à la NASA. Et il y avait un projet pour intégrer la NASA, qu'un des astronautes d'une mission puisse jouer en direct dans l'espace du saxophone et qu'on soit relié avec la navette. Et donc j'ai écrit une musique pour saxophone, puisqu'il y a un des astronautes, un très bon saxophoniste, qui s'appelait Ron McNair. Et donc c'est allé jusqu'au bout. La navette, toute la mission est partie, et on s'est donné rendez-vous 3 semaines plus tard pour le concert qui était organisé par la NASA dans l'espace, et moi sur scène à Houston. Et malheureusement, c'était la navette Challenger qui a explosé en vol, et Ron a péri avec les autres astronautes. Donc moi, j'ai voulu tout arrêter, et finalement, les astronautes survivants, enfin sur Terre, m'ont dit: il faut absolument que tu fasses ce concert qui doit être un hommage aux astronautes, etc. Et donc ce dernier morceau, qui s'appelait Last Rendez-vous, qui était en fait le dernier rendez-vous qu'on devait avoir dans l'espace, etc., je l'ai intitulé aussi Ron's Peace, le morceau de Ron, parce que c'est un morceau que j'avais fait pour Ron McNair, à la mémoire des astronautes, et de Ron McNair en particulier. Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, A Space Odyssey, a admis que votre musique était une source d'inspiration pour lui. Oui, c'était un grand honneur, d'autant plus que j'ai toujours été un très grand fan du travail d'Arthur Clarke, notamment ce qu'il a fait avec Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace, et toute cette vision qu'il nous a apportée, de tous les écrivains de cette génération qui nous ont apporté en fait une vision du futur très poétique, très romanesque et pleine d'espoir. Et on s'aperçoit aujourd'hui que on est l'an 2000, l'an 2001 sont derrière nous, et que d'une certaine manière, sur le chemin, on a perdu nos illusions vis-à-vis de l'avenir, et qu'il est temps de restaurer cette vision de l'avenir pour le futur, pour les futures générations. Et c'est un des thèmes d'inspiration de cette tournée 2010. Dernière question, vous avez 62 ans. Quels sont votre rêve musical? Ben, au fond, j'ai envie de vous dire que c'est toujours le même depuis le début de ma vie, c'est-à-dire de me rapprocher le plus possible d'un idéal qui est dans ma tête, c'est-à-dire ce pont dont je parlais, à la fois entre la musique classique, la musique expérimentale et la pop musique. Cette espèce de mélange qui est important pour moi dans la création, entre cette espèce de joie dynamique qu'on peut trouver dans une mélodie, et qui en fait masque un peu une mélancolie ou une tristesse, ou quelque chose de beaucoup plus sombre sous-jacent. Et cette forme de musique, et c'est la même chose dans la représentation scénique de la musique. Et c'est quelque chose sur lequel je suis loin d'être satisfait encore dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et que j'ai envie de continuer à améliorer tant que j'en aurai la force et le pouvoir. Ok, merci Jean-Michel Jarre de cette interview. Merci à vous.